De l'ombre à la lumière, par Clarissandre. Mal à hurler, mal à gerber, mal à crever. Langage familier d'une torturée, désemparée, exaspérée. Mes cris sont vains. Ce n'est pas humain de s'offrir ainsi sans fin. Relever le défi, oublier aujourd'hui, rêver à demain. Forcer le destin, à coup de rein, à coup de main. Jeu de main, jeu de vilain. Les maladies se corsent, me laissent sans force. Sous l'assaut des mots, je perds les mots, mon latin. Têtu comme un bourrin, je les rattrape au lasso, les grave au burin, triste turbin. Mais bientôt, je serai réduit de morse, tambouriné sur le torse. Combat de coq, des titans le choc. Dans la fosse à purin, couverte de piqûres d'oursin, des ombres putrides, fétide et maudite l'otage, le putain, mordu par des molosses, battu à coups de crosse, broyé au marteau, brûlé au chalumeau, lacéré, enserré de barbelés électrifiés, en martyr érigé. Le tocsin sonnera-t-il enfin la fin? Condamné à perpétuité, durée imprescriptible, à subir des souffrances indescriptibles, la croix glorieuse devenue furieuse sous le fardeau, le poids des mots. La proie lasse, ploie, boit la tasse et se noie. De la vie au trépas, il n'y a qu'un pas. Fuir l'indicible, franchir la ligne invisible, l'espérance est-elle toujours possible et crédible? Indigne des faveurs insignes, des dons, de l'amour, de la puissance invincible, en transe, âme et cœur danse, balance, tense, les SOS et prières lancent. Au son de l'harpe, de la lyre, adieu, lyre. Mon cœur chavire, mon âme délire, mon corps déchaîne et peine se délivre. Nous ne sommes jamais seuls. Dans la fange, face aux écueils, des langes au blanc linceul, sur nous les anges gardent l'œil. Anges gardiens, au cœur des batailles, soutien sans faille, extraordinaires êtres de lumière, des cieux à la terre, mystérieux, exemplaires et salutaires, dans notre enfer solitaire, présence solaire et solidaire de l'obscure nuit de nos vies, les astres lunaires, l'étoile polaire, nos frères de galère et de misère, envoyés de Dieu notre Père. Clarissandre, le 14 septembre 2023, jour de fête de la Croix glorieuse.